Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 60. De l'amour des anges. Amour naturel, amour électif, les anges s'aiment-ils eux-mêmes? Aiment-ils les autres anges? Aiment-ils Dieu plus qu'eux-mêmes naturellement? 1. Les anges ont-ils l'amour naturel? Tous les êtres ont une certaine inclination que l'on appelle appétit naturel ou amour, mais ils possèdent diversement cet amour, selon leur mode d'existence. Pour la nature intelligente, cette inclination naturelle est dans la volonté, pour la nature sensitive, elle est dans l'essence, pour la nature privée de connaissance, elle est dans le rapport des êtres. Puisque les anges ont une nature intelligente, ils ont un amour naturel dans leur volonté même. 2. Ont-ils l'amour électif? L'amour du bien qu'un être veut comme sa fin, est l'amour naturel, l'amour dérivant de celui-là, par lequel on veut un bien à cause de la fin, comme moyen d'y parvenir, c'est l'amour électif. De même que la volonté des hommes se porte naturellement vers le bonheur, les anges se portent vers la fin dernière, puis, comme nous, ils se portent vers les biens particuliers, en vue de la fin, par leur amour d'élection. Les objets bons en eux-mêmes sont naturellement aimés par eux, et ceux qui ne sont bons que par leur rapport avec une fin, sont recherchés d'un amour électif. C'est pourquoi ils ont tout à la fois un amour naturel et un amour électif qui en dérive. Plus loin nous parlerons de leurs qualités surnaturelles. Question 62, nous les passons sous silence pour le moment. 3. L'ange s'aime-t-il lui-même d'un amour naturel et d'un amour électif? Il n'y a pas d'être qui ne cherche par inclination naturelle ce qui lui est bon. L'ange, comme l'homme, recherche son bien, et c'est ce qui s'appelle s'aimer soi-même. Lorsqu'il désire son bien par l'impulsion de sa nature, il s'aime d'un amour naturel. Désire-t-il tel ou tel bien par élection, il s'aime d'un amour électif. 4. Un ange aime-t-il d'amour naturel un autre ange comme lui-même? Tous les êtres aiment d'amour naturel ce qui est un avec eux par union de nature, et ils aiment d'une autre manière ce qui est un avec eux par une autre union. L'homme qui aime son concitoyen d'un amour patriotique, aime son frère d'un amour naturel. Or, ce qui est un avec un être par le genre ou l'espèce est un par union de nature. Aussi tout être aime-t-il naturellement ce qui est un avec lui dans l'espèce, parce qu'il aime son espèce. D'après cela, nous devons dire qu'un ange aime les autres anges d'un amour naturel en tant qu'il est uni avec eux par l'union de nature, mais qu'il ne les aime pas de ce même amour dans les choses qui forment une autre union ou qui constituent une différence quelconque entre lui et eux. Note. Les mauvais anges aiment naturellement les bons anges en tant qu'ils partagent leur nature, mais ils les détestent en tant que la justice et l'injustice forment entre eux une différence. Fin de la note. 5. L'ange aime-t-il d'amour naturel Dieu plus que soi? Les inclinations naturelles des êtres privés de raison nous révèlent les inclinations naturelles des êtres intelligents. Or, dans la nature entière, toutes les choses inclinent vers l'être dont elles dépendent plus que vers elles-mêmes. La partie s'expose naturellement pour la conservation du tout. La main reçoit instinctivement le coup pour préserver le corps. Le bon citoyen affronte la mort pour sauver son pays. Il est évident que, dans ce qui est pratiqué universellement par les êtres, on doit voir une inclination naturelle propre à chacun d'eux. Dieu, le souverain bien, contenant le bien des êtres particuliers, tels que l'ange et l'homme auquel il a donné l'être, Ceux-ci doivent l'aimer naturellement plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes. En effet, si on disait que l'ange et l'homme s'aiment eux-mêmes d'un amour naturel plus que Dieu, il s'ensuivrait que l'amour naturel serait un amour dépravé que la charité devrait détruire, au lieu de le perfectionner, ce qui est faux. En conséquence, les anges, comme tous les êtres, aiment naturellement Dieu plus qu'eux-mêmes. Ils l'aiment d'un amour naturel comme le bien suprême d'où dépend tout bien naturel. Plus loin, nous verrons que les bons l'aiment d'un amour de charité comme le bien qui confère la béatitude. Note. Si l'on dit que les mauvais anges haïssent Dieu, il faut entendre que, comme tous les êtres, ils l'aiment naturellement plus qu'eux-mêmes en tant qu'il est le souverain bien des créatures, mais qu'ils détestent certains effets divins qui contrarient leur volonté. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.